de moi qui enivre moi fatigué moi bousillé gain moi depuis ça moi ca flippé il met sa moto en les moi tous les jours moi ca monté mon allo crap pour moi bevrai et parler by mes amis mon allo mon allo mon allo petit mon allo il sacre combiné ça mes amis mon allo mon allo mon allo petit mon allo il sacre combiné ça mes amis. Mon allo, il s'accueille.